Pour passer au... À moins que tu aies quelque chose à dire. Oui. Sans les questions. On va répondre aux questions. Les transportables seront-ils ceux qui auront un contact avec l'une des deux antennes supramentales ou avec ceux qui auront un contact plus ou moins éloigné avec des personnes contactées? Bon, c'est une des questions sur que je déteste le plus répondre. Bon, ben, je réponds pas. C'est celle de Michel. C'est le genre de questions qui m'ont toujours un peu embêté pour la simple raison que, effectivement, les individus qui seront transportables devront nécessairement passer par une des antennes supramentales. Et pourquoi c'est une des réponses qui m'achale le plus? Pour la simple raison que, il y a une partie de ce qui me constitue qui ne veut absolument pas être un chemin pour personne. Alors, nécessairement, ça n'aime pas trop ça. La dernière fois, ça avait mal fini. Mais, effectivement, oui, c'est ça. Allô? Je me disais, est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Non, ils mènent à Rome maintenant. On me donne un choix à faire. Tous les tests supramentaux donnent des résultats incertains et pourtant la situation est très claire. Ne peut continuer comme elle dure depuis tout ce temps. Pourquoi nous laisser croire qu'il faut changer la situation et quand on sait que qu'il faut la changer, faut-il laisser l'événement venir à soi ou aller vers l'événement? Bon, premièrement, le phénomène de la décision qu'on a à prendre, c'est toujours les choses que l'astral nous amène. L'intelligence ne nous demande jamais de prendre de décision. Pour entretenir l'illusion du libre-arbitre, pour entretenir l'instabilité astrale, qui nécessairement entretient l'instabilité mentale, parce que l'instabilité astrale brûle de l'énergie, eh bien, l'ego se fait souvent manipuler pour ne pas savoir quoi faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'ils doivent changer d'emploi, prendre leur retraite, travailler dans ceci ou dans cela. Il y a énormément d'énergie perdue planétairement, juste par le fait qu'on est là à arrêter à vivre, on ne vit plus, on se pose des questions pour savoir ce que l'on doit faire. Et il nous manque toujours les éléments pour répondre. Quand la personne fait des tests supramentaux, que le test supramental est neutre, ou elle le fait mal, elle peut bien le faire, si elle le fait bien, c'est simplement parce que l'intelligence n'a rien à voir avec ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit, qu'elle aille à droite, qu'elle aille à gauche, fait partie de ce que l'intelligence accepte. Alors, l'intelligence ne dure pas d'aller à gauche ou à droite. Que la personne reste stable ou qu'elle est d'un bord ou de l'autre, c'est dans le plan. L'individu doit trancher. Et je répète encore une fois, on va économiser énormément d'énergie si on tranche plutôt que si on se laisse trancher à petit feu par l'indécision. Alors, il ne faut pas mélanger. Pourquoi on nous donne l'illusion de pouvoir choisir? C'est l'astral, pour vous têter énergétiquement, pour vous empêcher de continuer à avancer, pour vous leurrer. Les tests supramentaux ne répondent pas, non, ça ne regarde pas l'intelligence supramentale dans ce que vous vivez. Quelle que soit la résultante, ça va. Donc, il n'y a aucun problème. La vérification supramentale est extrêmement fonctionnelle lorsque l'on a fait le choix de l'homme nouveau. Et je ne parle pas d'une personne qui a fait le choix mentalement et qui, astralement, est toujours du côté de l'homme ancien. Cela fait partie des clés de l'abondance, des lois qui vont ajuster et diriger l'homme nouveau dans quelques semaines. Alors, la personne doit s'arranger pour trancher d'un bord ou de l'autre, mais l'indécision, on doit la laisser tomber. Alors, elle peut simplement décider qu'elle ne décide pas, puis laisser les choses venir. Les choses peuvent attendre longtemps. Et elle peut aussi trancher d'un bord ou de l'autre, comme j'expliquais à un moment donné, on peut prendre un médecin cent pour trancher. Et faites-vous en pas, l'astral va s'arranger pour vous faire croire que le 25 cents, c'est pas correct. Ouais. T'es ou face, j'y vais. Ça tombe sur face, il y en a deux sur trois. On relance, encore face, c'est pas bon, c'est fini. Bon. Et c'est ça. Uniquement pour nous conserver dans l'indécision. Et ça, c'est mortel. Énergétiquement, c'est vraiment pas fort. Essayez ça, va économiser de l'essence en roulant avec votre automobile, la pédale au plancher, puis le pare-choc à côté de Saint-Mur. Allez voir. On va nulle part, mais ça prend d'énergie. Surtout qu'il va y avoir de moins en moins d'essence disponible. On passe au gaz naturel. Ouais. Existe-t-il quelque chose qui s'appelle l'inévitable porte septienne? Si oui, c'est quoi? Ça, c'est une question. Pourquoi? Pour qui? D'accord. Pourquoi? pourquoi? C'est quoi, pour qui, pourquoi, pourquoi? C'est le genre de question comme tu poses, ça? Ouais. Tu passes la fin? Veux-tu commenter? Oui et non, non. C'est-à-dire que ça y est, à peu près tout, en termes des mots, peut exister. L'inévitable porte septime, non. Il y a, ici, on voit un mélange de traditions ésotériques, gauloises, celtiques, donc druidiques, de traditions ésotériques catholiques et kabbalistiques. Alors, nécessairement, à travers l'égrégore existe lui-même, mais ce n'est pas un gros problème. Quand on parle de... je pourrais m'amuser longtemps à définir le phénomène septime, le phénomène sept, le phénomène créateur. L'inévitable, c'est un chemin conditionnel. Mais si oui, c'est quoi? C'est l'agglomération d'un paquet de traditions mélangées ensemble qui détermine simplement le fait que l'humain n'a pas de libre arbitre, donc il parle de destinée. Pour qui? C'est pour tout le monde, évidemment. Pourquoi? Parce que le bon choix. Puis pourquoi encore? Oui. Alors, on pourrait en parler, mais ce n'est pas un sujet qui va énergiser ou qui devrait intéresser. Parce que je reviens encore sur la chose, c'est un mélange de visions de différentes religions qui disent la même chose dans des mots différents et progressivement ont créé quelque chose. C'est comme parler de Maitreya, c'est extrêmement intéressant. S'il n'aurait pas de rôle à jouer pour l'avenir, je n'aimerais pas en parler. C'est quoi? Ben, c'est l'agglomération réincarnationnelle de ceux qui sont passés avant, qui ont été des avatars. Mais s'il n'y aurait pas de rôle particulier à jouer, on pourrait en parler longtemps, mais ça ne m'intéresserait pas énergétiquement. Fait que ça, c'est une chose qui est réglée. La guerre au Moyen-Orient est-elle un prémisme à la chute de l'argent? Pas prémisse, tout est prémisse à l'avenir. Fait que l'avenir dit que l'argent va chuter. Ah ben, à un moment donné, tout ce que l'humain fait présentement va finir par perdre sa valeur. Pourquoi? À cause des dettes que les pays du tiers-monde ont au reste. Les États-Unis ont 200 milliards de dettes extérieures. Le Canada en a 20 ou 30 milliards. L'Irak en avait quelques milliards aussi. Bon, tout le monde a des dettes extérieures. Quand le Mexique a décidé à un moment donné, « Bon, on fait faillite, on ne vous paye plus. » Plusieurs milliards de dollars, ça peut mettre en banqueroute la majorité des banques américaines et puis les banques de la communauté économique mondiale. Si les pays et la majorité des pays du tiers-monde, il a fallu leur prêter de l'argent pour pouvoir conserver une forme d'équilibre, une stabilité au niveau de la finance interne des pays. Alors, si ces pays-là, et à un moment donné, ça va arriver, parce que s'il y a trop de guerre, ils vont carrément décider, écoute, mais on ne paye plus nous autres, t'as qu'à venir chercher ce que tu veux, mais on ne paye pas. Puis tu ne peux pas saisir un pays sous-développé, il n'y a pas grand-chose à ramasser là, à part des bouches à nourrir. Alors, à un moment donné, veut pas, on va se rendre compte que l'argent ne vaudra plus rien. Un peu comme au Pérou. Au Pérou, c'est absolument génial quand tu voyages là-bas, parce que $1 canadien, ça valait 30 000 $ ou 35 000 $ péruvien là-bas. Alors, tu vas à la banque, tu changes $100 en petite coupure, puis tu t'en vas avec ton camion. Avec plusieurs millions de dollars dedans. Travaille pour la Brinks là-bas. Ben, la Brinks, plus tard, ça sera des chemins de fer au complet. Transporter la valeur d'un pain. Prends une journée à aller chercher un pain. Quel est le chemin... OK. Quel est le cheminement à suivre pour se baptiser soi-même? Doit-on inclure dans ce cheminement la fabrication d'un symbole égrégore? Bon, on ne se baptisera pas soi-même. Le baptême, c'est la certification de la résonance vibratoire de notre corps astral, de notre corps vital, de notre corps mental ou de notre corps supramental. Le corps physique, on l'a oublié, c'est un peu du passé. Donc, on est capable, on va parvenir à un moment donné, effectivement, énergétiquement, à avoir un nom, sauf qu'il faudra absolument quelqu'un pour le confirmer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est deux choses. Premièrement, c'est une purification de toutes les vieilles traditions, donc du vieux karma qui vous habite. Abolition du nom relié à ce karma-là. Donation d'un nouveau nom avec un récipient karmique vide vous permettant d'aller vers une autre direction. Et ça, un baptême. Et il n'y a pas de... Le cheminement pour arriver à un nouveau baptême, on parlera nécessairement d'un baptême mental, sinon vous n'avez qu'à changer de religion, vous allez pouvoir aller à un autre baptême. Le quand on parle de destruction mentale, pour que l'humain puisse parvenir là, il y aurait tellement de choses à dire pour vous expliquer comment parvenir au baptême, des choses qui résumeraient les 5 dernières années de conférences que j'ai données, des choses qui résumeraient une partie de ce que je n'ai pas donné. Alors qu'il y a des mécaniques faciles pour vous permettre d'y parvenir sans que j'aie à tout expliquer. Et la première des mécaniques, c'est de faire de vous des individus capables d'arriver à vous supporter énergétiquement puis d'arriver à vous répondre vous-même. Et pour faire cela, eh bien, il y a des choses que je suis en train de mettre sur pied, que je suis en train de mettre au point. Ça va prendre encore quelques mois, probablement. Et après, il vous restera à appliquer. À travers les leçons que vous devez suivre, il y a des leçons qui vont s'appliquer. Vous savez, le baptême, c'est de la magie. On va revenir souvent sur la magie. Ça demande évidemment un corps vital assez spécial, ça demande un corps mental assez puissant, ça demande un corps astral équilibré, ça demande un contact supramental minimum pour avoir un baptême qui va nous amener vers l'intelligence, évidemment. Alors, on pourra revenir là-dessus à un moment donné, mais il y a encore des petites choses qui restent à préparer dans les structures astrales, dans les sphères astrales, il y a des petites choses encore qui doivent être bâties, être organisées ou être éliminées avant qu'on puisse aborder certains sujets. Et il y a beaucoup de travail qui se fait pour que ça s'accomplisse rapidement de façon à ce qu'on puisse avancer. Le premier pas pour le baptême, c'est de commencer à zéro. C'est ce que tu définissais tout à l'heure. Ça, c'est évident de façon à part. Ben oui, sinon tu te fais baptiser, puis il faut qu'on recommence dans 2 ans après parce que finalement, c'est plus ça. Puis c'est correct. Mais on peut faire mieux. Fait qu'avant de se faire baptiser, il faudrait commencer. Il faudrait commencer par naître. Ouais. Naître beau. Est-ce qu'il faut obligatoirement exprimer de l'intelligence pour utiliser le simulacre de libre-arbitre qui est ou sera possible? Quelles sont les possibilités et les limites de ce simulacre de libre-arbitre? Bon, qu'est-ce que c'est que d'exprimer de l'intelligence? Exprimer de l'intelligence, cela veut dire parler de l'intelligence. Et exprimer de l'intelligence, cela veut aussi dire comprendre de l'intelligence. Alors que ce soit clair. Donc, l'individu qui est capable de comprendre l'intelligence, de l'intelligence, il exprime de l'intelligence. Il crée des synergies, il nourrit la même chose, il fait circuler de l'énergie supramentale, il exprime donc de l'intelligence. Ce n'est pas nécessairement le premier orateur à parler. Un individu peut ne rien qu'à être capable de répéter de ce que je dis, peut être capable de comprendre des choses, comprendre des mécaniques, savoir ce qu'il devrait faire, etc. Ne pas être capable de le faire encore, il exprime quand même de l'intelligence. Alors, pour utiliser le simulacre de libre-arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est que pendant un laps de temps, vous allez être, pour la première fois, manipulé uniquement par ce qui vous habite. Et non plus manipulé par toutes les conditions extérieures centrifuges de l'histoire. Il va venir un laps de temps où chaque être humain sera tellement plus conscient qu'il a un libre-arbitre alors qu'il n'aura pas de libre-arbitre, qu'il va se payer le luxe de faire n'importe quoi. C'est ce qui peut engendrer des guerres civiles à l'échelle planétaire. Chacun aura raison, pour une fois, dans l'histoire de la cinquième race mère, chacun aura l'impression qu'il peut prouver qu'il a raison. Donc, la déstabilité totale des mécaniques archétypales qui faisaient évoluer l'humanité va faire en sorte que chaque ego va à un moment donné avoir l'impression de ne plus être assujetti aux dieux, de ne plus être assujetti aux traditions, d'être indépendant. Il ne sera plus attaché par la force centrifuge. Et simulacre de libre-arbitre en ce sens que s'il y a plus d'intelligence chez vous qu'il y aura d'ego, l'intelligence vous amènera du côté de l'intelligence. Puis s'il n'y a plus d'astral chez vous qui a d'intelligence, l'astral va vous garder du côté de l'astral. Mais pour l'individu, il va se dire, bon, ben là, écoute, moi, j'en ai ras-le-bol. Puis là, tiens, c'est drôle, ça commence à fonctionner vers où je veux aller. Bien, j'y vais. Et tout au long de son avancement dans la prochaine année et demie, 2 ans, il aura peut-être l'impression qu'il va se faire fourrer, Puis plus ça va aller, puis il va se rendre compte que qui s'est fait fourrer. Puis que maintenant, ben, tant qu'à être bien, autant le rester. La bifurcation est déjà accomplie. Certains sont partis, d'autres sont restés là. Tu as déjà dit qu'il sera trop tard quand ils se réveilleront, que ceux qui ont à partir seront partis sans eux-mêmes, s'ils chialent en bas et veulent que l'on qu'on les embarque, si tout est décidé, à quoi sert le temps entre ce qui est décidé et le fait que ce soit accompli? Bon, on fait toujours partie de l'évolution du temps. Il faut faire des nuances dans certaines choses. Il y a des choses que j'explique, ça regarde surtout le plan supramental. Ça peut être décodé par le plan mental, mais ça ne peut pas être compris par le plan astral. Il y a d'autres choses qu'on explique, ça s'adresse uniquement au plan astral. Ça peut être compris par le plan mental, c'est difficilement acceptable ou décodable ou intelligençable par le plan supramental. Nous sommes l'union entre deux mondes, le plan extraterrestre et le plan terrestre. Lorsque l'on dit que tout est déjà prévu, je répète encore une fois qu'effectivement, c'est prévu qu'il y aura tant d'individus qui feront telle chose, mais on ne sait pas qui. Et surtout, quand on approche de l'alliance entre le plan supramental et le plan humain, où plus ça va se rapprocher, moins on pourra savoir ce qui va venir. Alors, l'intelligence peut dire « j'ai besoin de 400 millions d'éléments ». Et les éléments, je vais vous dire qui ils sont. Mais pas le nom, mais ce qu'on devra nommer, l'attitude. L'astral a prévu, et l'astral vous dira qu'il n'y sera pas. Mais l'alliance, ou si vous préférez, le contact entre le plan supramental et le plan astral, va venir changer la vision du plan supramental, pas en termes de nombre, en termes de qualité. Si la qualité ne se trouve pas telle qu'elle sur le plan planétaire ou dans le nombre prescrit, il y aura des adaptations. On peut améliorer aussi ce que le plan supramental avait visualisé, parce qu'il ne connaît pas le monde planétaire, le monde de la mémoire. Le plan astral, lui, aura dit, j'ai tant de milliards d'individus qui n'iront pas. Quand l'intelligence commence à descendre pour s'en mêler, il y a beaucoup d'individus qui ont des cerveaux et des systèmes endocriniens qui ne sont pas réveillés, qui ne sont pas réveillables par le plan astral et qui subitement vont commencer à se réveiller par le contact supramental. Ce n'est pas prévu par l'astral. L'astral ne sait pas ça. Le plan supramental non plus. Il y a des individus qui sont parfaitement géniaux. On va commencer à les faire monter. En les faisant monter, la structure cérébrale va engendrer un contact astralisé qui va grossir l'ego. L'intelligence supramentale ne le sait pas. Elle ne connaît pas la mécanique, l'homme doit l'ajuster. Et le phénomène astral ne connaît pas l'intelligence. Il ne peut pas prévoir ce que le neuf va faire dans le vieux, ne connaissant pas le neuf. Et c'est pourquoi tout est prévu, mais on ne sait rien. Et moi, j'appelle cela des futurs possibles. Et les futurs possibles, il y en a des beaux, il y en a qui sont laids. L'être humain qui fait le choix d'un avenir conséquentiel, écologique, ne vivra jamais les prochaines, pas millénaires, disons, les prochains centenaires, dans un mauvais monde. Alors qu'effectivement, pendant un laps de temps, il faut comprendre une chose, c'est que tant que vos égos, tant que vous allez avoir des parties chez vous qui vont vous atterrir dans le côté apocalyptique, nécessairement, vous serez assez assujetti à des côtés apocalyptiques. D'où l'importance de repartir à zéro le plus rapidement possible, d'où l'importance de travailler convenablement pour s'en aller à mon temps. Qu'est-ce qui va retenir le plus l'humain, c'est les parties basses et pas les parties hautes. Si on repart à zéro, on travaille sur les parties basses. On travaille un peu moins sur les parties hautes. Ben, on travaille aussi mieux, par exemple. Alors, quand je dis que tout est accompli, c'est vrai. Pas pour nous. Cosmiquement, oui. À quoi sert le laps de temps entre les deux? C'est que pour la créature du temps, pour l'homme, rien n'est accompli. Tout est en accomplissement. Tout est en voie d'accomplissement. Et l'humain, qu'est-ce qu'il a à faire? L'humain n'a pas de libre arbitre. Sauf que je répète encore certaines choses. Bon, je vais expliquer. S'il ne comprend pas... Il n'a même pas de pression. Bon, c'est vrai qu'elle dit que tu comprends. L'ego trouve cela inutile, ce que je vais expliquer. Pas que je vais l'expliquer, mais la mécanique que je vais expliquer. Vous n'avez pas de libre arbitre. Cela veut dire que, qu'en venant au séminaire ou à assistant de conférence comme ceci, ou en faisant le PMC, etc., vous n'accélérerez pas votre évolution. Alors, pourquoi le faire? Parce que justement, vous avez à le faire. Pour ne pas ralentir votre évolution. Oui, mais si j'ai pas de libre arbitre, vous allez le faire. Alors, l'humain, il se dit, ben oui, mais quoi que je fasse, m'arriver au même résultat. C'est vrai. Puis le quoi que tu vas faire, c'est ce que tu vas faire. C'est vrai aussi. Fait celui qui ne fait pas le séminaire, ou qui évolue pas, ou qui se drogue, il va arriver au même résultat que moi. C'est vrai. Fait que j'ai qu'à me droguer. Non. Chacun son chemin. Cela fait partie du fait qu'on n'a pas de libre-arbitre. Tout ce que vous faites présentement n'est pas une perte de temps dans l'attente de. C'est l'accomplissement de. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au niveau de la conscience animale, la conscience planétaire, la conscience humaine, il y a des mécaniques qui ne sont pas prévues, quand je dis prévues, qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas prises en compte, par l'évolution supramentale ou l'évolution cosmique, qui permettent donc facilement à l'astral de manipuler l'humain, de le faire souffrir, de taper dedans, etc. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons la mécanique astrale qui fait souffrir l'humain. Nous connaissons la souffrance, nous connaissons la peur, nous connaissons la gêne, l'angoisse, la honte, le trac, etc. Nous connaissons le bonheur qui s'écroule, nous connaissons un paquet de choses. Alors, nous pouvons, nous, gérer cette mécanique qui n'est pas prise en considération par l'intelligence. Nous recevons de l'intelligence, nous pouvons nous servir de l'intelligence pour apprendre à gérer le contexte matériel. Et nous pouvons instruire l'intelligence à tenir ça pour quelque chose d'important. Et progressivement, toute notre évolution va changer de forme. Nous irons à la même place d'une autre façon. Quand nous disons que tout est prévu par l'intelligence en ce qui concerne ce qui intéresse l'intelligence. C'est prévu que telle personne va arriver du point A au point B. Dans slush, dans boîte, magané, sur un papier sablé, elle va arriver. Alors l'individu qui est sur papier sablé, il se dit, « Ouais, mais pourquoi c'est un papier sablé? Je vois rien d'intelligent là-dedans. » L'intelligence, ça ne s'en mêle pas. Elle, ce qui est intelligent, c'est que du point A, vous arrivez au point B. Elle ne souffre pas que vous soyez tout effrité sur le papier sablé. Oui, mais si elle serait intelligente, vu qu'elle est intelligente, elle ne bouge pas. Elle ne souffre pas que vous soyez effrité sur un papier sablé. Elle ne connaît pas la vie de l'homme. Alors, à un moment donné, on devra, nous, qui sommes sur papier sablé, prendre de l'intelligence pour transformer le papier sablé en papier glissant. Il y a beaucoup de techniques. On envoie les martyrs avant, ils vont user le papier. Bon, c'est pas une technique. Mais le chemin est long. Souvent, le martyr est usé avant du papier. Mais est-ce que c'est prévu qui va arriver? Non, pas en termes de nom. Il faut faire attention. C'est prévu que, je donne un exemple, c'est prévu que telle personne, on va dire, Gare. C'est prévu que Gare va arriver. Qui est Gare? Je peux tout te le définir. Qui était le 2000 ans? Aucune idée. C'est un humain. C'est celui qui va arriver. Ouais. On sait qui, puis on sait combien. OK. Mais personne, ah ben c'est moi un gars, ça se peut, une 25 qui vient de dire ça, parfait, pas de problème. L'intelligence, ça s'en fout. L'intelligence, ça s'en balance parce que le gars va être là au bon moment. Il va aller se garer. Mais, et sous le contexte planétaire, l'humain se dit, oui, mais gars est déjà défini parce qu'on peut tout connaître, la mécanique, la génétique, l'évolution de l'humanité, les manipulations astrales, on connaît tout. Oui, sauf que où il y a un problème, c'est que tout ce qu'on a prévu ne prévoit pas l'intervention de l'intelligence. Alors, tout ce qui est prévu devient faux. Le Nazaréen était un de ceux qui a mieux exprimé la chose en disant « Les premiers seront les derniers. » Il parlait nécessairement aux pharisiens et aux sadducéens. « Ceux qui croient être les meilleurs, faites attention, ce n'est pas nécessairement ceux qui croient être les meilleurs qui sont les meilleurs. Les derniers, ce n'est pas les derniers arrivés. C'est ceux qui, du point de vue des meilleurs, quand ils regardent en bas, regarde, tu vois le cave là-bas, c'est le petit dernier, ça, c'est la lie de la société humaine, mais à travers ces derniers-là, au niveau de la vision snob, c'est plusieurs là-dedans font partie des premiers. Autre chose, il a dit que l'intelligence, ou le Christ, comme vous voulez, arrivera chez vous lorsque vous y en attendrez le moins. Il viendra comme un voleur et emportera ce qui lui appartient. Ben, c'est la même chose. L'humain ne peut pas connaître, prévoir, savoir qui, comment, quand. Pourquoi? Parce que même le Nazaréen ne le savait pas. L'intelligence ne le sait pas, elle sait ce qu'elle veut. L'astral ne le sait pas, elle sait ce qu'elle veut. Et on doit s'arranger, nous, l'humain, pour ne pas le savoir non plus, mais savoir ce qu'on veut. Donc, au niveau des prophéties, au niveau de plusieurs choses, quand on parle du phénomène supramental, ça définit des choses. Quand on parle de la mécanique humaine, ça définit des choses. L'alliance entre les deux est déterminée uniquement par l'humain. On ne sait rien. 144 853 élus, ça peut totalement changer avec 5 800 425 247 élus. Lui, il pourrait dire, ça peut donc aussi être un cas élu. Rien n'est sûr, rien n'est stable. Plus les deux vont se toucher, moins on va savoir où on va. Alors, c'est là que c'est d'être intéressant d'être centré sur soi-même, puis de bâtir des choses de base. Comme, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Aucune idée. Alors, présentement, tu fais quoi pour préparer ton avenir que tu ne sais pas ce que tu vas faire? Présentement, je m'arrange pour avoir une bonne santé, puis je travaille, puis je ramasse de l'argent. Ah, ça va te servir à quoi? Aucune idée. Mais la journée que je vais faire quelque chose, il me faudra les deux. Parce que j'aurai le temps. En attendant, je ne sais pas. Ah, mais si tu meurs avant d'arriver, je mourrai. Mais si je meurs, puis j'ai travaillé, je ne me serais pas fait fourrer. Mais si je vis, puis je n'ai pas travaillé, alors peut-être que je me serais fait fourrer. Alors, j'aime autant prendre des choses écologiques de base. Je vais commencer par faire cela. Du point de vue évolutif, ramasser de l'énergie. C'est la seule chose qui c'est un carburant. On fera, on ira, on fera ce qu'on voudra, on ira où on voudra, mais l'important, c'est de commencer par en avoir, être capable d'avoir la nôtre, donc de pouvoir la contrôler. Oui, mais ça ne change rien. Amenez ce que vous voulez, commencez par avoir de l'énergie. Vous êtes chrétien, le vrai Dieu catholique existe, il descend en soucoupe volante, il vient d'atterrir, puis il veut du monde à droite et à gauche, alors qu'il n'est pas qu'en dessous. Même chose. Un bon chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui devient stable, quelqu'un qui ne lutte pas trop contre le diable, c'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un qui a en masse d'énergie. Quelle que soit la religion, quelle que soit la vision, c'est l'énergie qui commence par être demandée, uniquement. Alors, la première chose de base qu'un être humain doit faire pour se stabiliser, c'est de commencer par énergiser ses corps physiques, puis de suivre une structure qui va lui amener de l'énergie, de développer des égrégores pour placer de l'énergie qui traîne partout sur la planète, la conserver pour lui, et puis quand il aura besoin, voilà, il pourra faire. La recherche du bien-être et du confort. Ça, c'est... Au niveau de l'évolution, absolument. La recherche du bien-être vital, bien-être astral, bien-être mental, etc. Physique aussi. Parce que si, par exemple, il m'arrive un événement majeur dans la vie, là, on peut dire, c'est un addon, ou bien on peut y aller avec, c'est quelque chose qu'il faut que je comprenne. On peut, il faut faire attention. L'addon, c'est faux. Et la leçon amenée par la vie, c'est faux. Bon, il t'arrive jamais d'événement pour que tu comprennes quelque chose. Jamais. Par contre, tu peux comprendre quelque chose à chaque événement. Quand tu as un événement, c'est une mécanique karmique, collective, planétaire, etc. Sauf que on peut transformer un karma en leçon avec nous, on digère. Alors, vous observez quelque chose, puis vous comprenez quelque chose là-dessus, vous venez de faire un passe-droit à l'astral et au karma, et vous gagnez de l'énergie. Pourquoi? Parce que on a envoyé un élément pour se nourrir de toi, tu t'es nourri de l'élément. Alors, on ne doit pas rechercher qu'est-ce qu'on a à apprendre, on doit rechercher qu'est-ce que l'on peut apprendre d'un événement, quel que soit l'événement. Ça fait qu'il n'y a pas de résultat, c'est pas un examen de passage. Non, l'examen de passage va... C'est encore plus simple. Parce que ce sont des examens de passage qui n'en sont pas. Autrement dit, c'est qu'en fonction de ce que tu apprends, on saura qui tu es. Alors, c'est évident que si moi je descends et je cherche un être humain, je peux dire, tiens, il y a plein d'examens, là, je vais... voilà. Je décide que ce sont des examens. Je décide que les événements, là, ils sont à la hauteur des examens que je t'aurais fait passer. Puis ce que tu apprends dedans, c'est à la hauteur de la réponse qu'il faut donner à l'examen. Mais planétairement parlant, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de leçon à qui nous est enseignée par la vie. Nous pouvons apprendre d'eux. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'élus. Puis il n'y en aura jamais. Non. Mais il y aura des individus qui vont nécessairement être ce que les autres vont appeler des élus. Oui, mais ce ne sera pas ça. Pas comme l'humain le conçoit. C'est pourquoi ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question d'accomplissement, une question de faire, une question d'être. Et pas être en fonction de... Imaginez une chose, imaginez que tout ce qui a été prévu en fonction de soit faux. Donc, on ne doit pas se travailler en fonction de, on doit se travailler en fonction de soi. Le PMC, quand on donnait la première structure PMC2, qui prochainement va être le PMC1, on disait que le PMC, il préparait l'humain à survivre et à vivre d'une bonne façon en cas de guerre nucléaire globale, en cas de conflit militaire armé majeur, en cas de cataclysme et tremblement de terre et ouragan épidémie à l'échelle du Canada, en cas de paix planétaire mondiale, en cas d'intervention extraterrestre, en cas où le régime actuel ne changerait pas, et il prépare l'humain à vivre. C'est tout. Et ça a de gros avantages, mais nécessairement, ça manque de poivre et de sel pour certains qui se disent « Oui, mais il n'y a pas de motivation. » Tu sais, si ça serait pour fuir en soucoupe volante, au moins on serait motivé. Il n'y a pas une race intelligente qui aimerait ramasser du monde de même. Si ça serait pour survivre à l'apocalypse, il faudrait qu'on prie souvent pour qu'il y en ait un apocalypse, parce que sinon, à un moment donné, on va aller d'une gang de cons. Non. On doit être... Parce qu'il n'y a peut-être personne qui va venir chercher quoi que ce soit. Moi, je sais des choses, mais je sais beaucoup de choses. Choses que je sais. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce que tu sais? Des choses que c'est pas encore le temps qu'on parle. Parce qu'il y a un contrôle d'égo chez l'humain. Et c'est des choses qu'on va aborder à un moment donné, mais il y a... Présentement, je suis dans une phase, je le suis depuis un grand bout de temps, mais je suis dans une phase où je peux l'exprimer plus facilement. Une phase où on doit... Toi, ça s'en vient. Prochainement, je pourrais le dire clairement. Une phase où on ne joue plus. Voilà. Et dans une phase où on ne joue plus, c'est une phase où moi, je deviens de plus en plus dur. Ce que je veux dire par dur, ça veut dire transparent. Moins diplomate. Alors, je me tairai. Je serai moins diplomate. C'est-à-dire que je serai capable d'exprimer à un individu des choses qu'il doit savoir en fonction du maximum de ce qu'il est énergétiquement. Je ne m'ajusterai plus à les petites parties chez lui. Ni à l'humain, ni à qui que ce soit. Et nécessairement, au niveau des structures évolutives, j'ai descendu sur la planète Terre énormément d'énergie, en paroles, en livres, en utopie, en technique, en cours, en façon d'avancer. Et j'ai toujours été manipulé par ma trop grande amitié avec le règne humain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a toujours un temps où on est appelé à essayer de, qu'on le veuille ou non, non pas de supporter le fardeau des autres, j'avais de la vie, mais de ne pas trop leur en donner de plus. La problématique, c'est qu'avec certains individus, plus un individu est près de moi, plus je le reconnais énergétiquement à sa juste valeur, et plus il... moins je le ménage. Plus je peux être direct, on pourrait dire violent avec lui. C'est-à-dire qu'en réalité, je suis plus pur avec lui. Et plus ça va, plus tous les individus qui s'approcheront de moi devront en subir les conséquences, c'est-à-dire que je ne pourrai plus m'arranger de temps en temps pour leur donner des petits repos quand c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il vient un temps où la finalité de certaines choses est prête et on doit procéder. Il y a énormément d'individus qui sont beaucoup plus près qu'ils l'étaient v'là un an, v'là 6 mois, v'là 2 ans, v'là 3 ans, v'là 4 ans. Et on en arrive à un point présentement où c'est le temps de faire des choses et si on les fait totalement bien dans l'ordre des choses ou on ne les fait pas. Et si on ne les fait pas, cela veut simplement dire que moi, je les ferai quand même avec d'autres individus, mais je ne pourrai pas travailler avec des individus qui exigeront ou mendieront la possibilité de sauter des étapes qu'ils ont peut-être de besoin. Et quand je parle de sauter des étapes, je ne veux pas dire que une étape est importante, mais pas la longueur de l'étape. Alors, pour une personne, ça lui prend 2 ans à faire une étape, une autre personne, elle arrive à dire « Ah, moi, là, j'ai pas besoin de ça. » Ben, écoute, c'est pas besoin de ça. Non, je nage un peu que je te regarde aller quand même, il n'y a rien à faire. L'individu qui est capable de passer l'étape dans 30 secondes, il la passera l'étape. Mais il ne sautera pas par-dessus l'étape, il aura quand même passé l'étape. Il y a énormément de choses, comme il y a des réponses que je peux donner, qui ne peuvent pas être données tant que l'humain n'est pas prêt à les recevoir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'humain n'est pas assez intelligent. Ça veut dire que l'humain n'applique pas suffisamment ce qu'il a déjà reçu. De ce fait, il y a totalement inutilité énergétique de communiquer encore des choses pour aller continuer à enterrer simplement les vieux papiers qui devraient aller fouiller dans le fond du tiroir. Il doit commencer à virer son tiroir de bord et reprendre certaines choses. Alors, il y a de plus en plus cette mécanique qui va faire en sorte qu'il y a des choses où je deviendrai de plus en plus intransigeant, c'est-à-dire que je ne pourrai pas être diplomate là-dessus. Entre ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, il n'y aura pas de demi-mesure. Et plus ça va aller, plus je serai comme ça. Je pourrais m'adresser au plan astral d'une façon astrale, au plan vital d'une façon vitale, il n'y aura aucun problème. Mais pour les individus qui méritent pas parce que c'est parce qu'ils ont forcé pour. Les individus qui ont l'expression énergétique d'individus mutables, qui sont capables d'avoir une conscience suffisamment individuelle, bon, qui viendront par la suite être totalement individuels, eh bien, ceux-là, je ne pourrai plus, dans quelques temps, leur faire de cadeau. Alors, ça va être assez simple, il y a des individus qui vont, les égaux pourront s'en servir pour dire, ouais, mais c'est chien, et puis ça ne me dérangera plus. Et en plus, je pourrais mordre. Ça commence quand? Ah, pour certains, c'est déjà commencé. Ah bon? Ah, t'as assez de questions à poser, vas-y. Oh oui, je t'ai assez. Oui, c'est le papier. Ok. Obligé? Non, non, non, non. Vas-y, pose les questions sur le papier. Jusqu'où va le nom libre arbitre? Chez les hindous, ce mot n'existe même pas. Est-ce au point qu'on ne prend jamais une mauvaise décision ou au point qu'une initiation est le fait qu'on n'a pas le choix? Est-ce que c'est comme pour dans un film, on n'a pas le choix? Quand tu écoutes le film, tu peux pas changer. Bon, mais les hindous... Bon, c'est... C'est plus ou moins cela, c'est bon, effectivement, on ne prend jamais de mauvaises décisions, c'est totalement vrai. On peut souffrir toute notre vie de décisions, mais ce n'était pas une mauvaise décision. On peut être heureux toute notre vie d'une décision, ce n'était pas une mauvaise décision non plus. Cosmiquement, on ne prend pas de mauvaises décisions, puis celui qui engendre la mécanique du fait qu'on n'a pas de libre arbitre sait très bien qu'on ne souffre pas. Pourquoi? Parce que lui ne souffre pas non plus. Toutes les souffrances que vous avez connues sont mémorielles, vous ne les souffrez même plus. Et chaque fois que vous la souffrez, elle est mémorielle immédiatement, on ne la souffre même pas en réalité. Vu qu'on est une créature du temps, une créature de mémoire, on l'enregistre et on croit la conserver. Et pour les intelligences, pour la structure qui manipule l'humanité, elle était instantanée, elle ne peut pas connaître la mécanique. Effectivement, on ne prend pas de mauvaises décisions, jamais. On ne prend même pas de décisions. Bon. Mais il y a des choses qui vont être trop longues à expliquer maintenant. Probablement qu'on pourra revenir là-dessus, peut-être lors de la prochaine conférence, sur la différence entre le libre-arbitre et la liberté. Dans la conscience. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que la majorité des égos n'arrivent pas à comprendre, puisque les mentales humains ne sont pas encore suffisamment énergisés pour arriver à retenir. Des fois, on comprend, puis 2 heures après, comme j'explique souvent, hein, vous connaissez tout le fait qu'on n'a pas de libre-arbitre, puis tout le monde continue à agir comme s'il n'avait un, parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour être capable de se rappeler énergétiquement la vision qu'ils ont à un moment donné. Et ça fait partie de phases initiatiques, mais ça fait aussi partie de phases structurelles où on cumule de l'énergie. Bon, Le nom libre arbitre, à cause que je suis entouré de, bon Dieu, tous les événements sont tous des murs, fait que oui. Je ne peux pas les traverser. Mais est-ce qu'il y a un nom libre arbitre en rapport à, non, c'est bon, je vais quand même le demander. Chaque molécule de ton corps n'a pas de libre arbitre. Ah, ça, c'est matériel. Oui. Quand on parle de, bon, c'est ça, quand on parle de libre arbitre, est-ce que c'est uniquement matériel? Si tu parles des, bon, c'est des énergies. La magie, tout ça, c'est matériel quand même. Le non-libre-arbitre est là-dedans, mais est-ce aussi il y a le non-libre-arbitre en rapport avec ce qu'on parle, là, c'est, le terme est faux, mais en rapport avec la race élitique ou le personnage qui est élu? Ben, je vais t'expliquer quelque chose qui ne répondra pas complètement, mais n'empêche. Il y a de l'eau qui veut couler, l'intelligence supramentale. Il y a un gazon arrosé, matière planétaire, il faut des tuyaux. Il n'y a pas de tuyaux. À un moment donné, il y a des humains qui vont se fabriquer pour être un tuyau. En étant un tuyau, l'eau passe dedans. Alors, ils peuvent dire, je contrôle l'eau et je l'amène sur la Terre. C'est une façon de voir les choses. L'eau peut dire, je contrôle le tuyau, c'est moi qui l'ai forcé à monter. Mm-hmm. C'est une façon de voir les choses. Puis le gazon pourra dire, je contrôle et l'eau et le tuyau, il m'arrose quand je veux. C'est une façon de voir les choses. Alors, l'important, c'est que, quand tu parles de magie, la magie, c'est uniquement qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Disons que, toi, tu décides un jour de transformer le Sahara en paradis. Tu deviens un magicien, tu prends les forces astrales, il y en a suffisamment d'énergie dans le monde de la mort pour faire cela, et tu le fais. As-tu contrôlé quelque chose? Non. Le Sahara voulait être un paradis. L'énergie voulait redescendre en fleur à terre. Toi, pour bénéficier de la Rolls-Royce, tu es devenu l'outil qui permettrait cela. Exactement comme tu peux être, dans ta vie, un camion qui va vider les fosses septiques. Hein? Alors, tu pourras ça de la merde toute ta vie. Et tu peux aussi être un camion qui va arroser les plantes au soleil, ou un camion qui va simplement transporter le monde, ou etc. Les deux ont leur fonction, les deux c'est extrêmement utile et fonctionnel, sauf que il suffit simplement à ce qui se structure aux atomes, à l'humain, de se bâtir en fonction de servir une cause plutôt qu'une autre. Bon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'idée du non-libre arbitre, la majorité des êtres humains, la question se pose où? La question ne se pose pas chez les humains qui n'ont pas de conscience. Bon. Alors, eux, c'est réglé. Mais chez l'humain qui peut transiter, l'humain qui est l'expression humaine, planétaire, de l'évolution cosmique, l'humain qui est et de la matière et du supramental, c'est lui qui se pose la question. Parce que si vous seriez uniquement supramental, aucun problème, vous êtes l'autre bord. Uniquement humain, aucun problème, vous êtes l'autre bord. Parce qu'on a accès aux deux phénomènes, on est donc ceux qui allons engendrer une forme d'union, d'alliance entre le contexte planétaire et extraplanétaire. Ben nous, on a comme une forme de choix. Mais on reviendra à un moment donné sur le libre arbitre et la liberté. Parce qu'effectivement, du point de vue matériel, c'est que chaque corps impose son espace-temps aux autres. En partant déjà là, on est fait. Mais il y a une grande possibilité d'avoir un libre arbitre matériel, même si on est plusieurs sur un contexte planétaire. Il faut pour cela que tout le monde soit énergiopathe. Parce qu'il y a une gérance de la matière, là, à un certain moment donné. Si par exemple, je crée un paradis dans le désert parce qu'il fallait que ce soit créé là, bon, mais j'ai rien fait finalement. Non, mais le désert j'ai non plus. J'ai tout fait et j'ai rien fait. Exact. Mais c'est en plein ça. Mais il y a quelque chose qui décide que l'événement arrive. Non. Qu'est-ce qui a décidé qu'il fallait faire un désert? Ça l'a été le fait qu'il y ait un désert. Qu'est-ce qui a décidé qu'il fallait qu'il y ait un paradis? Qu'il y ait un désert, qu'il y ait de l'énergie qui se rappelle du paradis terrestre, qui veut donc redescendre pour venir le recréer. Il a fallu qu'il y ait de l'intelligence, il a fallu qu'il y ait toi. Autrement dit, le fait que... C'est tout. Il y ait tous ces événements-là ensemble, ça crée une réaction. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Okay. Mais la réaction, elle est belle. Si tu es un des éléments qui va engendrer une réaction belle, tu bénéficieras de la beauté. Si tu es un des éléments qui engendrera une réaction laide, tu bénéficieras de la laideur. Alors, de ce fait, connaissant la mécanique, à un certain moment donné, on a la possibilité de jouer avec ce qui nous arrange dans le plan astral, ce qui nous arrange dans le plan mental, ce qui nous arrange dans le plan supramental. On est capable de bouger certaines choses. C'est pas un libre arbitre parce qu'on le bouge en fonction d'aller chercher de ces réactionnels, mais c'est une liberté de déplacement, de motricité. Une variante dans le non-libre arbitre. Oui. Mais on reviendra, c'est pas mal plus vaste. Qu'est-ce que la corde d'argent? La corde d'argent, c'est ce qui sert à rien, le gros pendentif que Kadhafi a sur sa poitrine. La corde d'argent, c'est un terme ésotérique qui définit une mécanique qui rattache le corps astral au corps vital. Donc, normalement, quand une personne a une forme d'extra-conscientisation d'une partie de son âme, on parlera de voyage astral, il y a, pas tout le temps, dépendamment de comment il a structuré sa sortie en astral, il y a un voyant pourrait voir une forme de corde qui est vitale, donc qui est légèrement lunaire, argentée, qui relie le corps astral, ou le corps vital en dédoublement éthérique, au corps physique. C'est la corde d'argent. Alors, dans l'histoire des voyages astraux, souvent on se dit, on a peur, tu pars en voyage astral, puis si quelqu'un coupe ta corde d'argent pendant que tu es parti, tu ne pourras pas revenir. Etc. Ben, la corde d'argent, c'est simplement une mécanique, un canal d'énergie vitale, totalement vitale. Le vital, c'est gris, c'est un peu comme argenté. Quand le voyant, le médium le voit, il ne le voit pas uniquement par ses yeux, il le voit dans le monde, dans le plan moronciel et dans le plan astral, et c'est encore plus lumineux. Comme c'est une forme de couleur de gris, ça va donner l'impression d'argent. Et la corde d'argent, ça définit donc cela. Le cordon ombilical qui relie le corps astral au corps physique, au corps vital. Un ajusteur d'énergie m'a dit que j'avais une colonne d'énergie qui passe au milieu de moi et qu'il n'avait jamais vu ça. Est-ce vrai? Si oui, à quoi ça sert? Chose que vous devez comprendre, c'est que il n'y a pas de colonne d'énergie qui passe à travers les individus actuellement assis ici. De temps en temps, l'humain... De temps en temps, l'humain a la capacité inconsciente, ça se développe consciemment, de se juxtaposer à des futurs possibles. Se juxtaposer à des futurs possibles, c'est évident qu'un individu qui a la capacité de voir certaines choses ou de vivre certaines choses peut voir des choses que l'individu en question ne voit même pas. On ne peut pas dire à quelqu'un « tu es extraordinairement intelligent, mais tu ne le sais pas ». Ce que l'on vient de dire, c'est que dans un avenir, tu seras extrêmement intelligent, présentement, tu ne l'es pas. C'est plus simple à ajuster. Parce qu'on peut voir tous les individus en même temps dans une lignée, et qu'on les mélange, on voit des choses. Et c'est ce qui explique que de temps en temps, on se fait dire des choses comme ça, qui ne sont pas actuellement dans la réalité. Ce n'est pas actuel. La question n'est pas de savoir qui je suis, mais de savoir que je suis. La conscience m'enlève l'idée d'être moi. J'ai l'impression d'être non-né et immortel. Ça me fait rire. La question qui reste est, qu'est-ce que le « je » conscient fait à exister? OK, ici, on a une vision d'une personne qui a évolué un peu d'une façon fragmentaire, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est le problème de probablement de toute l'humanité. La personne, elle a encore ici une vision à un certain niveau, mélange une vision à un autre niveau, mélange une vision à un autre niveau, avec un rire à un niveau, etc. Quand on en est ici, ce sont ceux qui mentalisent à un moment donné, pas tous, ceux qui mentalisent à un moment donné qui commencent à souffrir, c'est quand ils sont rendus à un niveau comme ça ici, où ils ont plusieurs impressions en même temps, qui leur amènent une forme de philosophie mentale intéressante, qui arrivent à un moment donné à un court-circuitage. On n'en sort plus. Et il y a une forme de souffrance non souffrante. Une souffrance qui fait rire, alors qu'on ne rit pas. Mais on ne rit pas. Tout est mélangé. L'individu, il a besoin d'un peu d'énergie pour pouvoir, à un moment donné, séparer les blancs. La question n'est pas de savoir qui je suis, mais de savoir que je suis. Oui et non. Parce que, c'est la même chose. Je suis... Bon, la conscience m'enlève l'idée d'être moi. Oui. J'ai l'impression d'être non-né et immortel. C'est évident. Mais dans une autre vision et dans un autre plan. Parce que dans le plan du « que je suis », peut être facilement mortel. Ça me fait rire, c'est intéressant. La question qui reste est, qu'est-ce que le conscient fait à exister? Bien, le conscient, c'est dans le conscient. L'ego demande, qu'est-ce que le conscient fait? Une fois que l'ego a un peu de nouvelles, le mental s'en est mêlé un petit peu, il y a une perception supramentale, il y a plusieurs choses comme ça qui se mélangent. On peut s'amuser comme ça ici, mais il faut faire extrêmement attention pour ne jamais se prendre au sérieux dans cette forme de mentalisation, philosophie mentale, parce que quand ça commence à court-circuiter, ça commence à être assez pénible. Les MTS, normalement, découlent de mentalisation puissante. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes deviennent MTS parce qu'ils mentalisent à un moment donné. Mais, comme la question qui est ici, c'est un dialogue intéressant entre un paquet de plans du même individu. Sans cohérence. Se peut-il qu'énergétiquement, certaines personnes soient prêtes pour un égrégore, mais n'y soient pas et pourquoi? C'est évident. Et pourquoi elles n'y sont pas? C'est parce qu'elles n'ont pas été appelées à un moment donné. Puis à un moment donné, bien, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de s'arranger pour être dedans, s'ils ont à être dedans. Quand on parle d'égrégores, il faut faire attention. Il y a beaucoup de parties de vous qui sont déjà associées à des égrégores. Les égrégores supramentaux astralisés, donc les égrégores supramentaux dans l'astral, ça reste de l'énergie astrale pure, mémorisée quand même, dans le contexte planétaire. D'autres au niveau mental, d'autres au niveau astral. Consciemment, à un moment donné, vous aurez des clés, vous pourrez aller chercher des clés, vous pourrez apprendre des choses, vous pourrez apprendre à contrôler et à manipuler. Mais évidemment, c'est comme n'importe quel phénomène, c'est uniquement quand on applique que ça fonctionne. Pourquoi les compagnies ne fonctionnent pas? Je parle des compagnies que tu parlais tout à l'heure. Et quelle est l'intelligence? Quelle en est l'intelligence? Parce que toutes ces compagnies ont été placées dans le but de rendre monnayable l'intelligence. Ces compagnies ont été créées dans le but de faire en sorte que des individus qui, à l'origine, ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'ils se conscientisent. Pourquoi? Parce qu'un individu qui travaille avec un autre peut facilement finir par être coloré par la présence de l'autre, donc ne parviendra pas à son individualité au niveau de la conscience. Les compagnies donnaient des raisons intelligentes de forcer des individus à s'agencer pour qu'ils puissent travailler. Pourquoi les compagnies ne fonctionnent pas encore totalement? Pour la simple raison que les individus ne sont pas encore totalement parvenus à appliquer les lois de l'ère nouvelle, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, dans leur structure de vie et d'affaires. Les compagnies fonctionnent de mieux en mieux, ça va pas pire, ça ne va pas comme ça devrait aller, uniquement parce que les individus ont encore à apprendre. Les compagnies ont été créées dans le but de servir de baromètre à tous les actionnaires, ainsi évidemment qu'à ceux qui travaillent dedans. Plus ça va, plus notre évolution est sur le bon chemin. Moins ça va, plus il y a de choses à vérifier puis à corriger. C'est un baromètre. C'est pour quand la belle température? Je demande aux météorologues. C'est pour toi? Ah. À chaque fois que je suis tombé en amour, cela n'a jamais fonctionné. C'est évident, il faut monter en amour. Il ne faut jamais tomber en amour. Pourtant, j'étais belle et intelligente. À force de souffrir, j'ai fini par comprendre. Maintenant, je m'autorise plus à aimer, encore moins à m'élever en amour. Où sont les Superman? Faut pas tomber en amour avec? J'avais déjà vu le film Superman à un moment donné où il est en amour avec la belle Dulcinée, puis il finit même par abdiquer totalement sa capacité de Superman pour être à l'amour humain. C'est pas deux secondes après, c'est qu'on s'engueule par un gars dans un restaurant. Après ça, l'humanité est en train de pourrir, fait qu'il décide de. Il a le choix où il redevient ce qu'il était, tant pis pour l'autre, ou bien là, il reste humain, puis on meurt tout ensemble. Ben c'est ça, il est tombé en amour qu'un Superman, le Superman, il ne va pas tomber avec vous autres. Ils sont rarissimes. Rarissimes. Éclairsemés et loin d'être disponibles. Éclairsemés, c'est vrai. Je ne peux plus être désillusionné, frustré, dépendante d'une drogue. On dit ça? Ça peut être vrai. Je vibre à l'énergiopathie, mais je ne veux pas être absorbé par une inégalité de force énergétique. Alors, je résiste et je me mets au neutre. Ce que l'on peut ressentir lors d'une descente d'énergie est analogue à ce que l'on peut ressentir en énergiopathie? Ça, c'est la question. Pas analogue, ça ressemble évidemment, sauf que l'énergiopathie est nécessairement une descente d'énergie synergisée par le contact avec une autre personne qui reçoit aussi de l'énergie. Ce que la personne dit, ce que la personne fait, c'est logique aussi. J'expliquais de la conférence de vendredi dernier, une sexualité sans corps physique, qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont sur le neutre présentement et les inhibitions ainsi que la guerre contre les égrégores qui les manipulent fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à transparaître suffisamment pour être reconnu par d'autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre patience un peu. Et à un moment donné, il y aura des individus qui vont commencer à pouvoir énergiopathiser ensemble. Pas nécessairement créant des couples. Ce n'est pas nécessaire. Alors, encore une fois, ça fait partie des choses qu'il faut attendre. Vous savez, il y a un point, à un moment donné, où on ne connaît rien. Il y a un point où on connaît un peu, on peut en parler. Il y a un point où on est juste en train de changer. Là, il n'y a plus rien à dire, on doit simplement attendre que ça change. Quand on a changé, là, maintenant, on peut dire d'autres choses. Alors, pour beaucoup de personnes, tout ce qu'il faut, c'est encore patience. En attendant, vous travaillez sur vous. Explique-moi le symbole de l'épée, de la veuve, de l'orphelin. La veuve et l'orphelin, ça désigne énormément de choses. C'est évident. L'épée, c'est un symbole alchimique qui symbolise les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Il symbolise les éléments d'une façon active et d'une façon passive. Alors, on a donc deux barres, qui sont une verticale et une horizontale. Placée d'un côté où le plan spirituel domine la matière, ce sera la croix. À l'inverse, où le plan de la matière domine le plan spirituel, ce sera l'épée. Dans une vision de l'évolution, si la matière dirige le plan spirituel, on avance nulle part. Dans une autre vision de l'évolution, si l'homme dirige les forces spirituelles, on ira plus loin. L'épée a toujours été aussi le symbole de la puissance, le symbole de l'alliance, le symbole de la loi et le symbole des gouvernants. L'épée dans la main d'un imbécile, c'est nécessairement dangereux. L'épée dans la main d'un être intelligent devient quelque chose d'extraordinairement puissant. La veuve et l'orphelin désignent plusieurs choses. La veuve et l'orphelin ne désignent pas l'enfant matériel et la femme qui a perdu son mari. Alors que son mari était chevalier, puis il allait mourir en défendant la veuve et l'orphelin. Ça crée une autre veuve et l'orphelin, puis on en va. Parce qu'à un moment donné, on en a envoyé tuer quelqu'un, et puis la veuve et l'orphelin, les chevaliers s'ennuient. Ils peuvent faire sauver. La veuve, c'est Marie, l'orphelin, c'est Jésus. Donc, préserver la veuve et l'orphelin, cela veut dire simplement préserver tout ce qu'il y a de capable d'amener de l'intelligence sur le plan planétaire. La veuve et l'orphelin, protéger tout ce qui sera engendré et créé par l'arrivée d'intelligence sur le plan planétaire. L'orphelin. Quand on parle de chevalerie, le chevalier est celui qui préservait la veuve et l'orphelin grâce à l'épée. Il mettait son épée au service de... Mettre son épée veut dire mettre sa conscience, sa vie, son énergie, son karma, ses lignées futures, son passé, au service de... Alors on disait au service d'une cause. Il faut faire attention. Chaque fois qu'un chevalier mettait son épée au service d'une cause, la cause devait être juste et bonne. Il y a eu des chevaliers qui ont servi des mauvaises causes. Mais si on retourne un peu dans l'histoire, on se rend compte que ces personnages n'étaient pas chevaliers, ils étaient des guerriers. C'est autre chose. C'était des combattants. Alors qu'un chevalier pouvait totalement perdre son honneur de chevalier et devenir un brigand. Et c'était contre lui que les chevaliers devaient se battre à un moment donné, préserver la veuve et l'orphelin. C'est évident qu'à un moment donné, ésotériquement, on arrive à protéger la veuve, la femme, et l'orphelin, les enfants, uniquement parce qu'à cette époque, ça mourait énormément, il y avait toujours beaucoup de guerres, et c'était logique pour le chevalier de préserver ce qu'il y avait, non pas de plus faible, c'est faux, mais ce qu'il y avait de plus important à la survie de l'humanité, sinon les femmes et les enfants. Étant donné que les guerriers y en avaient suffisamment, vu que c'était les seuls qui étaient suffisamment armés pour se protéger. Alors, il y a eu cette symbolique qui est arrivée là. Quand on parle de l'avenir, c'est la même chose. Préserver tout ce qui amène l'intelligence, c'est vrai. Préserver ce qui est engendré par l'intelligence, c'est vrai. On doit s'occuper de ceux qui sont capables d'engendrer ou qui le sont, ou qui ont été donc engendrés par l'intelligence. C'est le rôle même d'une chevalerie planétaire. Préserver ce qui va vers l'avant, quelque chose de bien, d'écologique, d'intelligent et de beau, d'esthétique, énergétiquement. Qui était Salomé? Était-elle une initiée? Faisait-elle partie du plan essénien? Et le savait-elle? Elle le savait. Mais qui elle était? Personne extrêmement puissante qui a des tendances à vouloir se revenir atterrir au Québec ces temps-ci. Elle a travaillé avec un Melchizedek, elle a travaillé avec certains alchimistes. C'est une personne... On n'en a pas parlé beaucoup dans les traditions, mais dans les traditions ésotériques un peu plus, parce qu'elle est reconnue un peu. Mais... Est-ce que c'était une sorcière? À l'époque, tout le monde était un peu sorcier ou sorcière. C'était une sorcière, sauf qu'elle était... C'était une mage, sauf qu'on dit sorcière, elle a aussi été alchimiste, mais on dit sorcière. Par rapport à quoi? Par rapport à l'époque, elle était blanche. Par rapport à 2 ans après, elle était noire. C'est évolué vite dans ce temps-là. 2 ans de plus que, que 500 ans. Ah, OK. Comment fait-on pour ne plus réincarner les mémoires de nos ancêtres, de notre famille et parenté? Bon, alors je vais être extrêmement plate, mais ça va sauver beaucoup de temps. Au mois de septembre ou octobre, une conférence qui est portée uniquement là-dessus, une conférence du vendredi, sur justement la réincarnation de nos parents. Les billets disponibles? Non, pas encore, mais vu comment parler pendant 1 heure, plus les périodes de questions, c'est beaucoup plus... Qui sont les êtres... noirs qui apparaissent dans les maisons et que nous veulent-ils? Bon, ces êtres noirs-là apparaissent pas dans les maisons, mais apparaissent dans certaines rares maisons. Ce sont... Ce sont des personnages. Tout à l'heure, j'ai répondu à la personne, et puis la meilleure chose que je peux faire encore, c'est répéter la même chose. Présentement, tout ce qu'il faut faire, c'est de ne pas avoir peur. Progressivement, il faudra s'arranger pour qu'ils ne viennent plus, c'est-à-dire les envoyer. Une des meilleures choses, c'est s'arranger pour que personne dans la famille n'ait peur. Ces êtres noirs-là sont nécessairement noirs, ils sont négatifs, ils sont donc, ils viennent vérifier les choses. Ils viennent vérifier si une personne est prête à être emportée. Mais la personne qui pose la question ici, les êtres noirs... n'emporteront probablement jamais personne, parce que de plus en plus, c'est de moins en moins emportable. Je ne parle pas de transportable, je parle de kidnappable. Ce sont des sbires qui viennent vérifier les choses. Et si on n'a pas peur, si on reste soi dans cette situation-là, ils vont aller fouiller ailleurs assez rapidement. Alors, même si y a, par exemple, une personne n'a pas peur, il faut que progressivement, toutes les autres n'aient pas peur, parce qu'ils vont avoir aussi une tendance à engendrer des choses négatives. Il y a eu des contacts que la personne a eu avec certaines entités à un moment donné. Il y a des choses qu'elle a faites. Et lors du séminaire, je lui ai expliqué que certaines choses qu'elle a faites qui peuvent amener certains problèmes karmiques. Un individu qui évolue, qui grimpe, s'élimine, s'éloigne de son karma. Donc, on ne doit pas nécessairement vous payer le karma. On peut s'en éloigner en s'en allant vers quelque chose d'autre, en changeant carrément de vie, de personnalité. Bref, en faisant le choix de l'homme nouveau. Alors, en attendant, c'est ça, je ne veux pas trop en dire là-dessus. Pourquoi? Parce que ça pourrait simplement servir les hommes noirs plutôt que de servir la personne qui écouterait la réponse. Mais est-ce que en parler mentalement, par exemple, pas tout seul, avec d'autres personnes, parler du phénomène à l'extérieur de la maison? Dans une mécanique où il y a suffisamment d'énergie dans un égrégore, des individus qui peuvent se réunir pour parler uniquement de cela mentalement, vont faire en sorte que tous les individus associés à l'égrégore vont être totalement impénétrables par ce genre d'individus. Par ça, encore une fois, des structures de magie. Mmh. Alors, mais pour ça, il faut un égrégore, il faut des gens qui sont affiliés à l'égrégore, il faut suffisamment d'énergie dedans.